boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Avec le rock électronique de Oval Nation. Le morceau c'était The Best, sorti en 2018. J'aime bien cette pop légèrement psychédélique avec ce gimmick qui va rester. Vous l'avez pas entendu le petit gimmick? Écoutez, c'était ça. Comment ça? Ça vous est pas encore rentré dans la tête? Eh ben allez, encore une fois. Que ce gimmick, vous le reconnaîtrez quel que soit le pop and rock dans lequel je vous le remettrai. Allez, on continue avec le psychédélique de Meg Myers avec une reprise de Kate Bush. It doesn't hurt. S'appelait Running Up That Hill, on va foncer à Naples, mais pas en Italie, car il est bien connu que comme Venise, qui n'est pas qu'en Italie, Naples n'est pas qu'en Campanie. Naples donc en Floride pour retrouver l'original Dominic Fike, l'orphelin camé qui a trouvé en la musique un exutoire, notamment dans ses trois nuits. In the city of palms, call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under streetlights. In the city of palms, call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight, stay up at night. Green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait, admit it. It's only a matter of time. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stop returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And now every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. I take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you. And CIA for 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Des 21 Pilots pour ce morceau de Dominic Fike, vous ne trouvez pas? Allez, on s'en fout, on enfile notre soirée avec maintenant Vampire Weekend. Avec leur musique assez intemporelle, on aurait pu dire qu'elle vient des années 80, des années 90, mais le morceau qu'on écoute à présent est sorti en 2019. On écoute donc Vampire Weekend avec leur Sunflower. Pour commencer, on avait enchaîné avec Meg Myers, on a écouté Dominic Fike et à l'instant, on était avec Vampire Weekend. Et donc, après le pop, voilà le rock, on enchaîne avec Mumford & Sons. My generation stuck. About the poor, cause I don't like the word. And I need to know the name of my neighbor. I am not known if I'm not seen or heard. And I am afraid of that which I do not know. So why don't I just ask your fucking name? Justice just gets buried in a white light. I heard there was a time we call it shame. So put your hands in mine tonight, and I will. Yeah. buys me no more time here. Imagine my relief to hit the walls, running from the weight of ancient labels, believing what identity there was. Well, my generation stuck in the mirror. Des Mumford and Sons ont fui la Tucson, Arizona pour rejoindre Calexico avec la ballade de Cable Hogue. Histoire d'un chercheur d'or malchanceux, le rock mystique de Calexico. Et écoutez bien, si vous entendez des paroles en français, vous ne rêvez pas. À Tucson, Trump n'a pas tout envahi. La culture française semble encore d'actualité. Calexico. Yonder, where the snakes and scorpions run, got myself a little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. Thank you. Tucson, Arizona, on patrie de Calexico. On se jette maintenant dans l'Ohio, plus précisément à Dayton. Dayton, c'est la ville d'un dénommé Robert Pollard, leader du groupe Guided by Voices. On a écouté à l'instant Man Called Blunder dans un rock toujours très américain. Pour la petite histoire, ce groupe il passe son temps à splitter puis à se reformer. Et pour la plus petite histoire, ce qui me fait rire, c'est que j'ai lu il n'y a pas très longtemps que pour ce qui devait être un de leurs derniers concerts, le prolifique Robert Pollard n'a pas fait moins de 63 morceaux sur scène. Le Lalan américain existe, il habite à Dayton, il s'appelle Robert Pollard. Morceau de Guided by Voices, le morceau s'appelait I Am Scientist, et là on va continuer avec quelqu'un que je vous présente plus puisque j'espère que vous la connaissez maintenant bien, PJ Harvey. Anyway. Allez, après PJ Hervé, et pour notre deuxième demi-heure dans Pop and Rock sur RVR, on va repartir avec nos classiques, et pour commencer, les Australiens de Emil and the Sniffers avec le morceau Some Muts. We'll be right back. hand helping me from the binds of this dress. Look at me, I'm torn, all the rips. Guess I slipped, caught a fright in the woods. Nana, you look funny, tell me, dear, are you not feeling good? Inspire Elysian Field avec le morceau interprété donc par ce groupe Red Riding Hood. Allez, sans transition, on va passer maintenant à un petit groupe français que je découvre avec vous qui s'appelle Toyblowid. Il y a peut-être un jeu de mots, moi je l'ai pas compris. On écoute tout de suite deux morceaux de Toyblowid. legs out of the cage. We're hot as hell, are you okay? Prepare yourself. Do you wanna rock and roll? Every night we try our best to make you dance. To get to arm you open, forget your pain, free your anger. Come on, baby. Ooh, ooh, ooh, ooh. Do you wanna rock and roll? Une batterie, une voix féminine, il y a Lou, Madeleine et Greg, c'était Toy Bloid. Il n'y a rien de mieux que les groupes estampillés pop and rock. Et si les Black Keys n'ont pas su vous réveiller, attendez que je vous envoie en pleine face un peu de punk rock anglais. Et pour commencer, Idols. Thank you. water is warm and the ice caps are melting. What will happen when they're gone? Will the experts look stupid and invert the facts? Will they give you back your donations or keep the paper stacks? The feeling is mutual. You don't like what we do because we say what we are thinking, and that shocks and frightens you. The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride. It does what it needs to stay strong and to survive, yeah. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. Allez, on termine avec un dernier morceau de Slaves. Le morceau s'appelle White Knuckle Ride. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. I love you more when you're angry with me, 'cause you're